ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié « gardez-vous d'écouter cet imposteur ». Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne.